frustration du patron. S'il paie pas l'addition, attention à crier. Si on lui met un doigt dans le fion, pas la peine d'appeler Claude Lamine. Tu te rebelles ma belle, j't'emmène en Belge, ça sent pas la peine. On te brûle ta voiture, tes amis, ta maison, ta famille. On n'est pas là pour conneries, on te laisse ahurir. Aux urgences à la hure, on colle le mur. Accroupis-toi, dans ta main, tu jettes un scène, c'est bien. Tu reviendras demain, tu galères pour dormir. En Formule 1, non, tu dors dans le train. Tu bouffes de l'eau et du pain. Et pour la première fois tu vois que la misère et la faim, c'est la merde quand même. Et quand t'étais pas trop, on a eu raison de brûler ta voiture, ta famille, ta maison et tes amis, fils de pute. Garde-t'en. Ouais, selon les actionnaires, c'est pour tous les prolétaires. Les ministères font taire des affaires. On t'attrape, on t'encule à la part, mais à la vie, on est comme la voix. Tu nous et on te casse les pieds. Et si ça tire, rejoins-nous. La tranquille, dans l'eau du patron. La société, à toi dans les bastons. Donc j'entends pas ton frère. Viens casser l'action. Caca, retourne le code, c'est du nickel. Car tu sais que la souche et WAM, on lâchera jamais l'affaire. Alors vite tes poches, les clés de ta poche, le numéro de ta secrétaire, je passe sur nos nerfs. Tu peux me la mettre à l'envers, mais n'oublie pas que le commissaire pourra rien faire pour tes draps. Quand ta piste coulera, tellement tu flipperas. Juste à l'idée qu'on puisse brûler ta classe A. C'est Babylon système qui est en graine et qui fait tout pour tout le monde et la haine. C'est la soucherie qui se déchaîne, l'heure de briser les chaînes. On est là pour agir, on imagine le pire. Alors qu'il y a des choses à dire, qu'on pèse les bosses. Faire comme l'os, tirant ses chaînes en chien d'os. Encore à gosse en mode féroce. La sougie, syndicat radical. On a la dalle, et bien plus fort que pas ou d'empale. Ouais, c'est pour les actionnaires, c'est pour tous les prolétaires. Les ministères, modernes, pervers. On t'attrape, on t'encule à la part, mais à la vie. On est comme la voix, c'est nous et on te casse les clés. Et si ça tire, rejoins-nous. La tranquille, dans l'eau du patron. La société, à travers dans les bastons. Donc j'entends pas ton frère, viens casser l'action. Caca, retourne le code, c'est du nickel. Ici on a la dalle, l'anarchie c'est le scandale. Soucherie, si tu veux prendre les bureaucraties à la boucherie, va trouver par ton avocat. C'est pour ça ma cagoule reste cool. Dans mon histoire tu coules, les accours de coupe-coupe t'as les boules. J'ai pas coulé dans le moule, laï dans la foule. J'ai pas prouvé, caché dans des HP quand tu stoppes. En typique France monétaire, prolétaire, volétaire, terre. Les venus en masse, on est des terres. Les nerfs, les actionnaires, on les enterre. La soucherie, pas de censure, un petit sévère. De faire les poches, c'est lié à la porte. J'ai défoncé ta porte, j'ai pris dans une plante. Toi bien que je colle, y'a la rue à des clones. La souche réelle, la pétanie rose.